إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله اتقوا الله واعلموا أن ربنا أمرنا بالإخلاص وحذرنا من النفاق ومن صفات المنافقين وقد أخرج البخاري في الأدب المفرد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال تجد من شرار الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه وفي رواية الإمام الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من شر الناس عند الله يوم القيامة ذا الوجهين وقال الإمام ابن العربي المالكي في شرحه لسنن الترمذي المسمى عارضة الأحوذي قال وذلك معنى من أصول النفاق فإنه مع قوم وفي حال على صفة ويكون مع آخرين بخلافها والدين على حالة واحدة في الحق ثم ذكر الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه لا يدخل الجنة قتات ثم قال أي الذي يكون مع قوم كأنه منهم ثم يخرج إلى الذين عليهم جامعا لنوعين لا يباليهما كما يجمع الرجل العشبة من أي نوع كان لا يباليه كان موافقا أو مخالفا انتهى كلامه رحمه الله من الناس من يعيش في المجتمع كالحرباء يتلون ألوانا لا يثبت على حال وربما يظن أنه ذكي ولكن الحقيقة أن هذا الصنف من الناس فاقد الشخصية مسلوب الكرامة مخادع والنفاق دليل الضعف وفساد الطوية فالواحد من هذا الصنف يتلقاك بالبشاشة ويتظاهر أمامك كأنه الصديق الوفي الذي يفرح إذا فرحت ويحزن إذا حزنت ويسعد بسعادتك ويشقى بشقائك وقد تخدعك أقواله المعصولة ثم يذهب إلى أصحاب له من المتبعة أو من الكفار فيظهر لهم مثل ما يظهر لك فهذه صورة المنافق يتظاهر لك بوجه ولخصمك بوجه وإنك لو بحثت أسباب الفتن والخصومة بين الناس لوجدت أكثرها من صنع هؤلاء المنافقين بعضهم نفاقهم نفاق أصغر وبعضهم نفاقهم نفاق أكبر ويخرجهم من الدين وقد نهى الله عن النفاق في مواضع شتى من القرآن الكريم منها قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون يقول الشيخ صالح الفوزان رحمه الله وحفظه الله في معنى قوله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض أي اتركوا ما يكون سببا لفسادها وهو النفاق وآمنوا بالله ظاهرا وباطنا كما آمن الناس أي الصحابة قالوا إنما نحن مصلحون هذا من انتكاس الفطر يعدون النفاق والكفر إصلاحا في الأرض فيقولون إنما نحن بعملنا هذا وهو الذي هو النفاق والكفر مصلحون من أجل أن نعيش في هذه الدنيا ويدفع عنا القتل وهذا بزعمهم إصلاح فقال تعالى ردا عليهم ألا إنهم هم المفسدون عكس الله عليهم دعواهم وحصل الإفساد فيهم فهم وحدهم المفسدون بنفاقهم وكفرهم ولكن لا يشعرون لا يدرون أن هذا إفساد واليوم أصحاب الشهوات وأصحاب المطاعم الخبيثة يريدون أن يحولوا المسلمين إلى المذاهب الباطلة كمذهب فصل الدين عن الدنيا ومذهب المساواة بين الرجل والمرأة ومذهب حكم الشعب بالشعب ومذهب حرية الفكر والبدعة والزندقة وحرية الزنا واللواط ويدعون إلى تعطيل الشريعة وإلى الجرائم وفساد الأخلاق ويقولون هذا إصلاح ويسمون الإيمان والتمسك بالدين جفاء وتحجرا ورجعية وتأخرا إلى آخر ما يقولون يريدون أن يحولوا الحكم بما أنزل الله إلى الحكم بالقانون ويقولون هذا إصلاح يريدون أن يخلعوا الحجاب عن النساء ويتركوهن سافرات في الشوارع ويتولين أعمال الرجال ويسافرن إلى أي محل ويقولون هذا إصلاح وهذا رقي وتقدم وتحضر وهذا عمل الأمم الراقية أما أن تعارضوا هذا الأمر فهذا هو الإفساد بزعمهم انتهى كلامه رحمه الله فهناك من المسلمين من يدعو إلى هذه الأمور باسم الإسلام ومن صفات المنافقين أنهم يتخذون الكفار اليهود والنصارى أولياء ويقول تعالى بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا ويقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يعني المنافقون يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول تعالى ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب فالولاء للكفار من أكبر صفات المنافقين والموالاة للكفار ليس معناها أن تتعامل مع الكفار والمشركين واليهود والنصارى في تجارة أو أمور أو معاملات دنيوية مباحة إما اقتصادية أو سياسية أو غير ذلك هذا ليس من الموالاة الموالاة للكفار التي هي من صفات المنافقين هي المحبة القلبية لهم وأن تحب الكفار لكفرهم ولشركهم وأن تحبهم لدينهم الباطل ولأفكارهم المخالفة للإسلام وأن توافقهم على هذه الأفكار الكفرية التي تخالف الإسلام. فتقول لهم أنا معكم في أن الإنسان عنده الحرية المطلقة، وأنا معكم على حرية اللواط والزنا، وأنا معكم في أن المرأة حرة وأنها متساوية مع الرجل في كل شيء، وأنا معكم في حرية الأديان والفرق، وأنا معكم في أن نفصل أو أن نفصل بين الدين والدنيا إلى آخر ما يقولون. هذه أفكار خطيرة، وبعض المسلمين وبعض الجماعات المنتسبة للإسلام يدعون إلى هذه الأفكار باسم الإسلام، فاحذروها. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: ومن تأمل وصف قلوبهم بالمرض، يعني وصف المنافقين، ووصف قلوبهم بالمرض وهو مرض الشبهات والشكوك، ووصفهم بالإفساد في الأرض وبالاستهزاء بدينه وبعباده وبالطغيان واشتراء الضلالة بالهدى والصمم والبكم والعمى والحيرة والكسل عند عبادته والزنا وقلة ذكره والتردد والتذبذب بين المؤمنين والكفار، فلا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، والحلف باسمه تعالى كذبا وباطلا وبالكذب وغاية الجبن، وبعدم الفقه في الدين وبعدم العلم وبالبخل وبعدم الإيمان بالله وباليوم الآخر وبالرب، وبأنهم مضرة على المؤمنين، ولا يحصل بنصيحتهم إلا الشر من الخبال والإسراع بينهم بالشر وإلقاء الفتنة وكراهية ظهور أمر الله، وأنهم يحزنون بما يحصل للمؤمنين من الخير والنصر، ويفرحون بما يحصل لهم من المحنة والابتلاء، وأنهم يتربصون الضوائر بالمسلمين، وبكراهتهم الإنفاق في مرضات الله وسبيله، ويرمون بالرياء وإرادة الثناء في الناس، وأنهم عبيد الدنيا، إن أعطوا منها رضوا وإن منعوا سخطوا، وأنهم أحلف الناس بالله، وقد اتخذوا أيمانهم جنة تقيهم من إنكار المؤمنين عليهم، وهذا شأن المنافق. أحلف الناس بالله كذبا ووصفهم بأنهم رجس، فهم أخبث بني آدم وأكذرهم وأرذلهم، والعياذ بالله. انتهى كلام الإمام ابن القيم رحمه الله. فمن هذا يقول تعالى عنهم أنهم في الدرك الأسفل من النار، ويقول تعالى عنهم هم العدو فاحذرهم. وللمبتدعة أوصاف من هذه الأوصاف كثيرة، لأنهم يحاربون أهل السنة والجماعة. فاعرفوا صفات المنافقين يا عباد الله حتى لا تنخدعوا بهؤلاء الناس. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. الحمد لله، sachez que Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné d'avoir l'ikhlas, c'est-à-dire d'avoir la sincérité dans nos intentions et dans notre foi et dans notre adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a averti contre qu'est-ce qu'il a appelé an-nifaq, c'est-à-dire l'hypocrisie, le manque de sincérité, de montrer et de dire des choses qui sont le contraire de ce qui est dans notre cœur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari dans Al-Adab al-Mufrad selon Abi Huraira radiyallahu anhu, il a dit: vous allez trouver que les pires personnes au jour de la résurrection sont ceux qui ont deux visages. Ils vont voir certaines personnes avec un visage, et puis ils vont voir d'autres personnes avec un autre visage. Le cheikh, il rapporte également une autre narration rapportée par l'imam al-Tirmidhi selon Abi Huraira, et il dit également ce hadith que les pires personnes au jour de la résurrection sont les gens qui ont deux visages. Et l'imam Ibn al-Arabi al-Maliki, il dit dans son charh à propos de ce hadith que ça c'est parmi les fondements de la signification du nifaq, de l'hypocrisie. C'est-à-dire que tu vas voir des, certaines personnes et tu leur parles d'une certaine façon, hein, tu parles avec eux d'une certaine façon et tu vas voir d'autres personnes et tu leur parles d'une autre façon, comme si tu as deux visages. Hein. Et le vrai croyant et le vrai musulman, il n'a qu'un seul visage. Peu importe avec qui il est, qu'il soit avec des musulmans, qu'il soit avec des gens bid'ah, qu'il soit avec des kuffar, ou qu'il soit avec des munafiqins, il a toujours le même visage, il a toujours le même discours, il a toujours le même langage. Il ne change pas de face à chaque fois qu'il s'adresse à différents groupes ou à différents individus. Il dit la vérité là où il est. Et c'est ça que l'islam nous a enseigné. Et le cheikh, il a mentionné également un hadith rapporté par Al-Bukhari qui dit que Al-Qattat, il ne rentre pas au paradis. Et il a dit que c'est la personne qui va voir certaines personnes et il leur dit qu'est-ce qu'ils veulent entendre et il va voir d'autres personnes et il leur dit également la même chose, qu'est-ce qu'ils veulent entendre, que ce soit en accord ou contre ce qu'il croit réellement dans son cœur. Donc, il y a des gens comme ça, ils sont comme des caméléons. Ils changent de couleur comme le caméléon. Le caméléon, s'il est sur un arbre, il prend la couleur de l'arbre. S'il est dans l'herbe, il prend la couleur de l'herbe. S'il est sur du sable, il prend la couleur du sable. Donc il y en a parmi les gens aujourd'hui qui sont comme ça, malgré qu'ils sont musulmans, mais qui agissent de cette manière, qui agissent comme le caméléon. Quand ils sont avec des gens de bid'ah, ils disent qu'est-ce qu'ils veulent entendre. Quand ils sont avec des gens de Ahl-Sunna, ils disent qu'est-ce que les gens de la Sunna veulent entendre. Quand ils sont avec des kuffars, ils disent qu'est-ce que les kuffars veulent entendre. Et ça, c'est pas l'attitude du vrai musulman. L'individu qui agit comme ça, peut-être qu'il se pense intelligent. Et peut-être qu'il pense qu'il agit d'une manière qui est rusée, mais en réalité, c'est une personne qui n'a aucune personnalité, qui n'a aucune noblesse, qui n'a aucune dignité de personnalité et de caractère. Et ça indique la faiblesse qu'il a en lui-même, parce qu'il n'a pas de courage. Il n'a pas le courage d'affronter les gens et de leur dire réellement ce qu'il a dans le cœur et réellement ce qu'il a dans la tête. Et donc, il te montre le contraire de ce qui est réellement en lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a averti contre ces gens-là parce que ce sont les gens qui amènent la fitna entre les hommes et qui amènent les problèmes entre les croyants. Allah subhanahu wa ta'ala, il a décrit les munafiqins dans Surat al-Baqara au début. Il a dit, il y en a des hommes, il y en a parmi les gens qui disent nous croyons alors qu'ils ne sont pas réellement croyants. Ils essaient de tromper Allah subhanahu wa ta'ala et les croyants, mais ils le trompent qu'eux-mêmes et ils ne s'en aperçoivent pas. Ceux-là, ils ont une maladie dans leur cœur. Et Allah subhanahu wa ta'ala a augmenté leur maladie. Et ils auront un dur châtiment pour avoir menti. Et lorsque tu leur dis, ne faites pas le désordre sur la terre, ils disent, nous ne sommes que des réformateurs, on veut uniquement faire le bien. Et en réalité, ce sont eux, les gens qui sèment le désordre et la corruption sur la terre, mais ils ne s'en aperçoivent pas. Et le cheikh Al-Fawzan, il a dit à ce sujet, justement, à propos de ce verset, ces gens-là, lorsque tu leur dis, arrêtez de faire la corruption et le désordre sur la terre. Arrêtez avec votre hypocrisie et arrêtez de rejeter la foi en Allah, hein, de montrer que vous avez la foi puis de cacher votre mécréance. Et croyez comme les Sahaba ont cru. Ils disent, nous on est seulement des réformateurs. C'est-à-dire, ils ont renversé les choses à l'envers. Ils s'imaginent que l'hypocrisie, c'est ça qui est bien. Et que le nifaq, c'est ça qui est bien. Tandis que la foi, c'est quelque chose de façade, c'est ça le façade pour eux, d'appliquer la religion et de suivre la religion, et de suivre la sunna. Hein? Donc ils disent, nous on veut uniquement faire le bien. Hein? Et en réalité, c'est parce qu'ils ont, ce sont eux les, Allah dit, ala innahum humul mufsidun, ce sont eux qui font le façade, c'est eux qui font le désordre sur la terre. Hein? Et malgré qu'ils prétendent le contraire. Voilà qu'ils la yash'urun, ils ne s'en aperçoivent pas, ils ne savent pas. Qu'est-ce qu'il fait, c'est le façade. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens comme ça, parmi les musulmans, qui appellent les musulmans à des choses qui sont contraires à l'islam, qui appellent pour changer les musulmans et pour les faire accepter des idéologies et des principes qui sont contraires à l'islam. Que ce soit le fait de séparer l'État et la religion. Ils disent qu'on veut appeler à ça. Ils disent qu'ils veulent appeler à l'établissement de l'égalité absolue dans tout entre l'homme et la femme. Et que ça, c'est l'islah, et c'est ça de faire le bien et la réforme. Ils disent qu'il faut que le pouvoir appartienne au peuple, hein, comme la démocratie dans leur système. Hein, et ils disent que c'est ça le bien, et c'est ça l'islah. et ils appellent à la liberté absolue de toutes les croyances, de toutes les tendances, de toutes les innovations, de toutes les sectes, que tout le monde est libre de faire et de croire ce qu'il veut et d'adorer Allah comme il veut. Et ils appellent également à la liberté sexuelle et à la perversité et à l'homosexualité et à toutes ces autres perversités. Et ils veulent annuler les règles de la charia et répandre la corruption dans la société. Et ils disent que ça c'est al-islah et ça c'est la réforme. Et ils considèrent que le fait de s'accrocher à la religion, c'est ça qui amène le recul des musulmans et que ça les fait retourner en arrière. Hein? Donc pour eux, c'est le contraire. La vie, ils voient tout à l'envers. Ils veulent que les femmes enlèvent le hijab. Hein? Ils veulent que les femmes marchent dans la rue comme les hommes, sans se voiler, sans se couvrir. Et que les femmes fassent le même travail, les mêmes choses que les hommes, et qu'elles se mélangent avec les hommes dans les endroits publics. Et ils disent, il n'y a pas de problème avec ça, ça c'est l'islam. Pour eux, c'est ça le bien. Alors que c'est ça le façade. Hein? Donc, il y a des gens comme ça qui appellent à l'islam et qui disent que ces choses-là sont en accord avec l'islam. Et ça, c'est des caractéristiques des monastiques, des caractéristiques des hypocrites. Allah subhanahu wa ta'ala a décrit également parmi les plus grandes caractéristiques des hypocrites, c'est qu'ils se mettent alliés avec les kuffars, ils se mettent alliés avec les non-musulmans. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il les décrit, il dit « Annoncez aux munafiqins qu'ils auront un dur châtiment, ceux qui prennent les kuffars comme des alliés en dehors des croyants. » Et il a dit « Oh vous les croyants, ne prenez pas les juifs et les chrétiens comme alliés, certains d'entre eux sont alliés les uns des autres, et celui d'entre vous qui les prend pour alliés, alors il est un des leurs. » Allah subhanahu wa ta'ala ne guide pas les gens injustes, mais tu vois une partie d'entre eux qui ont une maladie dans leur cœur, ils se précipitent vers eux. Hein, et ils disent, nous craignons qu'il y ait un revers de situation. Hein, et ils craignent que quelque chose leur arrive s'ils ne les prennent pas comme alliés. Et peut-être Allah subhanahu wa ta'ala va faire venir la victoire et un ordre de sa part, et ils vont avoir des remords pour leurs pensées secrètes qu'ils avaient gardées dans leur cœur. Et il dit, n'as-tu pas vu ceux qui ont l'uniforme? Ils ont pris leurs frères parmi les gens du livre, les kuffars parmi les gens du livre, comme des frères. Donc ça c'est des exemples. Et le fait de prendre les kuffars pour alliés, ça ne veut pas dire que tu vas pas faire du commerce avec eux, ou que tu vas pas avoir des transactions avec eux, économiques ou politiques, ou des choses, des interactions avec eux dans ce sens-là. C'est pas ça les prendre pour alliés. Prendre les kuffars pour alliés, c'est que tu les aimes avec ton cœur pour leur religion qui est fausse, pour leur croyance qui est contraire à l'islam, que tu es d'accord avec eux dans leurs idéologies qui sont contraires à la croyance islamique, que tu es d'accord avec eux dans leurs principes qui sont contraires aux ordres d'Allah et de son messager. C'est ça de prendre les kuffars pour alliés. Et ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit de faire des commerces ou de faire des interactions avec eux ou de faire des interactions politiques ou diplomatiques avec eux. C'est pas ça que ça veut dire, de prendre les kuffars pour alliés. Mais il y en a des musulmans aujourd'hui, malheureusement, ils prennent les kuffars pour alliés parce qu'ils disent « Nous sommes d'accord avec vous que l'homme est égal à la femme dans tout. Nous sommes d'accord avec vous que il faut qu'il y ait la liberté absolue pour tout le monde, que tout le monde a le droit de faire ce qu'ils veulent et penser comme ils veulent et de croire à ce qu'ils veulent. » Et ils mélangent la vérité et le faux et ils appellent à l'égarement. Donc il faut connaître les caractéristiques des munafiqins. Et il faut faire attention à ces gens-là. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans le Coran, Humul adou fahzarhum. Ce sont eux les ennemis. Alors prenez garde à ces gens-là. Ce sont eux les ennemis. Ils sont plus dangereux que les kuffars, qui sont apparents. Parce que eux, ils se mélangent avec les croyants et ils les appellent à l'égarement au nom de l'islam. Et ils sont les gens qui sont dans le plus bas niveau de l'enfer. Allah subhanahu wa ta'ala a dit à leur sujet, fid darkil asfali minan nar. Donc, il faut faire attention à ces gens-là. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous en protège. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر الشرك والمشركين والمنافقين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين وارزقنا بالعلم النافع والعمل الصالح إنك ولي ذلك والقادر عليه وقوموا إلى صلاتكم بارك الله فيكم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر

ومزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة الله أكبر